Oscar Miloche. Solitude. Je me suis réveillé sous l'azur de l'absence, dans l'immense midi de la mélancolie. L'ortie des murs croulant boit le soleil des morts. Silence. Où m'avez-vous conduit, mère aveugle, ô ma vie? Dans quel enfer du souvenir où l'herbe pense, où l'océan des temps cherche à tâtons ses bords? Silence. Écho du précipice, appelle-moi, démence. Trempe tes jaunes fleurs dans la source où je bois. Mais que les jours passés se détachent de moi. Silence. Vous qui m'avez créé, vous qui m'avez frappé, vous vers qui l'aloès, cœur des gouffres, s'élance, père, à vos pieds meurtris trouverai-je la paix? Silence.